Mais dans mon cœur, non, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Tu t'en vas. Mes joies, mes rêves sont pour toi impossible de t'y méprendre. Tu t'en vas. Et notre amour nous appartient, Philippe, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas, Marga. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre. Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide, de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus. Le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. Dans mon cœur, non, ce n'est rien, rien qu'un départ sans importance. Tu t'en vas. Ce n'est mon cœur, tu le sais bien, rien qu'un caprice de l'existence. Tu t'en vas. Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance. Et tu t'en vas, Marga. Chaque matin qui vient, tu sais pourtant qu'enfin tout recommence. Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu. Comme aux pires heures de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide, de l'absence. Tu t'en vas. Soudain pour moi, tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. Je t'aime, Marga. Je t'aime, Marga. Je t'aime, Philippe.